J'entends déjà vos pleurs. Puisqu'à compter de 21h ce soir, vous devrez vous passer de votre bon docteur pour plus de 3 mois. Et oui, The Undead Incorporated Show Réanimation prendra une longue pause sur les ondes de Sifu. Mais séchez vos larmes, pauvres mortels, puisque je serai de retour en septembre pour reprendre tous mes épouvantables traitements sonores. Mais je ne vous laisserai pas sans prescription, même périmée. Puisque vous continuerez à pouvoir réécouter des éditions passées sur le site de Réanimation en format podcast. Et qui plus est, puisque je suis d'une gentillesse quasi légendaire, je vous mettrai en ligne des émissions avec le pestilentiel gobelin Sinistros. Mais il reste encore l'émission de ce soir et j'ai fait de gros efforts afin qu'elle soit minimalement écoutable. Et je crois avoir réussi. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il ne vous dit pas au revoir, mais plutôt « Attention, bande de cons dégénérés, je reviendrai. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Go. » denied, and for the sins of life we died. We, the damned souls of the cursed legion, rise to blaspheme the cult of the dead, to burn the book of lies, to mock the god who dies. We, the damned souls of the cursed legion, rise to destroy the cult of the dead, to set their temples on fire, to invoke oblivion for the liar. God, I'm suffering. Please.

Fuck! trésor enfoui. C'est fou 89.1. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion, maintenant en format plus léger pour l'été, tous les jeudis de 10h à 11h. Vendredi le 15 mai, 21h30, votre café-bar Le Zénob vous présente la prestation de Sam Éloi. Pour une soirée de chansons françaises pop canary sur fond de rock'n'roll 70s, venez entendre Sam Éloi ce vendredi 15 mai, 21h30. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Un poster de Dylan, Highway 61, visité. Fou de vivacité. 89 ans. Eh bien, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle et dernière édition de réanimation en ce 19 mai de l'an d'Antigrâce 2015, je dis dernière, jusqu'à cet automne, bien sûr, je ne quitte pas définitivement. Mais comme je l'ai annoncé depuis les 3 ou 4 émissions précédentes, eh bien, réanimation cédera les ondes à partir de, ben, en fait, ce soir, mais plus particulièrement mardi prochain. Pour la diffusion des parties de baseball des Aigles de Trois-Rivières, donc en direct sur les ondes de C'est Fou. Et ce qui fait que je prends un congé de 3 mois et peut-être un peu plus, là, tout dépendant, mais en fait, ça ressemble grosso modo à ça. Je serai de retour en septembre avec réanimation. Je ne peux pas vous dire la date précise encore, mais ça viendra et puis vous surveillerez le site de C'est Fou. Je l'annoncerai là, en temps et lieu. Vous irez voir aussi le site de réanimation AD.com parce que je vais continuer à l'entretenir pendant tout l'été, peut-être de façon moins sporadique, mais il y aura toujours des petites nouveautés dessus. Comme je l'ai dit la semaine dernière et comme je l'ai dit d'emblée en présentation d'émission, vous pouvez retrouver toutes les semaines. Vous aurez bien sûr les dernières balados de diffusion des dernières émissions, mais au fur et à mesure que les semaines progresseront, je remplacerai le tout par des émissions antérieures, préférablement des émissions que j'aurais fait avec Sinistros. D'ailleurs, soit dit en passant, la pièce qu'on vient d'entendre, The Creator, la pièce Pestilence, je l'ai dédiée à mon assistant Sinistros, le pestilentiel gobelin. C'est tiré de Pleasure to Kill, qui est paru en 86 sur Noise. C'était le deuxième album de cette formation allemande. Et oui, parenthèse aussi, écoutez Rock Classique, parce que c'est une bonne émission, bien entendu, mais aussi parce que je pourrais vous tenir au fait, parce que je continue Rock Classique tout l'été. Il y aura une portion là où le Rockmaster et moi prendrons une pause cet été, possiblement dans le mois d'août, si je ne m'abuse. Mais c'est à déterminer, mais bon, vous aurez tous les détails. Donc, avant Creator, nous avions Hail of Bullets, formation des Pays-Bas, et la pièce Tobruk, qui est tirée du dernier album de cette formation, Third de Rommel Chronicle. C'est tout à propos parce que, Rommel, j'ai peut-être pas besoin de vous présenter qui c'était. C'était le rat du désert, c'était le chef des l'édition de Panzer, celui qui, du Troisième Reich, qui a refait qui a gagné de nombreux fleurons au niveau de ses batailles pour le Troisième Reich. Ça a tristement terminé pour lui parce que c'était pas suffisant de gagner. Lorsqu'on en perd une, eh bien, il faut qu'on se... se suicide, semble-t-il. Bref, Tobruk, c'est effectivement... c'est une ville qui est près de la frontière libyenne et égyptienne, et c'est un lieu où il y a eu une célèbre bataille, entre autres. Mais en fait, je dirais trois célèbres batailles durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est aussi un film des années 60 qui est assez intéressant, dois-je dire. C'était précédé de Sodom, une autre formation allemande, et la pièce Invocating the Demons, qui est tirée de Epitome of Torture, qui était le 14e album studio de cette formation. En carrière, qui est paru en 2013 sur Steam Hammer. Nous avons Legion of the Dam, notre formation des Pays-Bas, avec la pièce, en fait, l'ouverture, qui porte bien son nom, Sermon of Sacrilege. C'était enchaîné avec la première pièce, Pray and Suffer, qui était extraite de l'album du 2008, The Cult of the Dead, qui était le 4e album de la formation sous le nom Legion of the Dam, puisque, auparavant, au risque de se répéter, il s'appelait Cult of the Dead. C'était paru sur l'étiquette Massacre Records, et nous avions ouvert avec la formation suédoise Witchery et la pièce Devil Rides Out, qui tirait de Witchkrieg, la 5e et dernière apparition en ce jour de cette formation, paru en 2010 sur Century Media. C'est un très bon album. Et Devil's Rides Out, c'est aussi un très bon film de 1968 de Terence Fisher. Terence Fisher, c'est quelqu'un qui a fait énormément de productions au sein de la Hammer Film Production, qui était le fleuron des films... Ben, en fait, qui est devenu des fleurons des films d'horreur des années 50 et 60. Ils sont spécialisés vraiment dans ça, parce que la Hammer, ça a débuté dans les années 30 avec des films policiers, des films noirs. Ils sont vraiment convertis dans les années 50 et 60, 70 aussi, vers le film d'horreur. Et le titre français, Les Vierges de Satan, ça met en vedette nul autre Christopher Lee. C'est un film quand même assez bien. C'est pas le film de la Hammer à voir, mais c'est un des bons films qu'ils ont fait. Donc, ce soir, une émission encore relativement chargée. J'aurai une chronique cinéma avec des trucs relativement intéressants. Chronique musicale avec des trucs encore tout aussi relativement intéressants. Mais une présentation que j'aurai un peu plus tard pour vous dans l'émission, qui est de Morbid Angel. C'est paru le 18 mai dernier sous copie limitée, c'est-à-dire 1500 copies sous édition vinyle, des plates, si vous voulez. Un spectacle qui a lieu en 1989. Mais avant tout cela, laissez-moi vous parler de ceci. C'est-à-dire rien du tout. Allons-y en musique. On va rester pas mal tout le reste de l'émission dans une mouvance assez death metal. Je me demande bien pourquoi je déteste ce genre pourtant. C'est par acte de contrition, j'imagine. On va attendre les formations Vomitory, mais tout de suite Immolation aussi, mais tout de suite allons-y avec un nomade de formation polonaise, la très bonne pièce de Demon's Breath. Vous êtes à réanimation jusqu'à 21h. Go! Lights of my walls, open your mind, around this ancient wreck. Innocent. C'est fou 89 ans. La 16e édition du festival Mutec Montréal vous donne rendez-vous du 27 au 31 mai pour 80 performances au Musée d'art contemporain et au Théâtre Maisonneuve, deux soirées au Métropolis présentées par Red Bull Music Academy et une scène extérieure gratuite sur le parterre du quartier des spectacles. 5 jours d'expérience, d'échanges et de découvertes avec plus de 110 artistes dont James Holden, Ten Walls, Andy Stott, Fumiya Tanaka, John Tejada et Kiasmos. Billets et toutes les infos sont mutec.org. Vendredi le 15 mai, 21h30, votre café-bar Le Zénob vous présente la prestation de Sam Éloi. Pour une soirée de chansons françaises pop canary sur fond de rock'n'roll 70s, venez entendre Sam Éloi ce vendredi 15 mai, 21h30. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Un poster de Dylan, Highway 61, visité. Toujours les vendredis soirs, retrouvez maintenant les bonnets rouges de 20h à 21h. T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h, sur les ondes de C'est Fou, le réseau campus de Trois-Rivières. Fantaisie. C'est fou, 89.1. Et vous êtes à l'écoute de Réanimation The Undead Incorporated Show jusqu'à 21h. Je le répète, c'est la dernière avant septembre prochain. Pas septembre 2016, septembre 2015, donc approximativement 3 mois. On vient d'entendre la formation polonaise 8 et la pièce Valley of Darkness. C'est tiré de leur plus récente parution qui est parue à seulement 100 copies. C'est le 9e album Crusade Zero qui est paru sur Napalm Records en 2015. Vomitory, formation suédoise, et la pièce The Dead Awaken. C'est paru sur leur dernière parution probablement. Ben en fait, on suppose à vie puisque le band est dissous. Formation a mis terme à ses activités justement peu de temps après la sortie de Opus Mortis 8, qui était le 8e album studio de la formation sous étiquette Metal Blade. Immolation, formation américaine, une formation death metal que j'aime beaucoup. La pièce Majesty and Decay, c'est la pièce titre de cet album paru en 2010. C'est l'avant-dernier sous étiquette Nuclear Blast. Et en ouverture de bloc, formation polonaise également. Et lorsque je disais, et je le disais à plusieurs reprises, la Pologne, c'est un excellent bassin de métal, et particulièrement ce qui a tendance à être death metal ou black and death metal. Il y a, écoutez, je crois qu'il y a facilement sur 5 groupes qui sortent des nouveaux trucs ou qui sortent simplement nouvellement comme nouveaux groupes, il y en a, je dirais, au moins 1 sur 5 à 7 là, qui est de qualité, qui vient de la Pologne. Donc, la formation Nomade et la pièce de Demon's Breath, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait aussi la petite introduction qui s'appelle simplement « Are you ready? » C'était tout de suite joint à The Demon's Breath, qui est la pièce proprement dite d'ouverture de ce cinquième album qui porte le titre de Transmigration of Consciousness, paru en 2011 sur Witching Hour Production. C'est paru le 21 mars 2011. Rien de nouveau en ce qui concerne Nomade depuis ce temps. Écoutez, si vous voulez explorer là des trucs qui sont moins connus, entre guillemets, là, c'est un des bons albums à se procurer dans le genre du death metal. Allons faire une petite incursion du côté cinéma. Écoutez, j'ai vu quand même un certain nombre de trucs depuis la semaine dernière, et dont un qui, je me disais, ça va sûrement être pas mal bon comme film. Moi, j'ai toujours une prédilection pour les films où ce qu'on parle de résurrection et de mort vivant. C'est The Lazarus Effect, qui est paru à la fin de l'an dernier. C'est un film de c'est un film de David Gelb qui met en vedette Mark Duplass, Olivia Wilde et Donald Glover. Ce sont tous. Je dois dire que je crois que c'est Donald Glover. On l'a vu dans c'est peut-être même dans une série télévisée. Il va falloir que je le replace. Mais bref, c'est une figure connue. Ce que ça raconte, c'est une équipe de chercheurs universitaires qui découvre comment ramener les morts à la vie. Ils testent sur des animaux morts initialement qui reviennent à la vie, mais semblent avoir un comportement étrange. Il y a un accident, une décharge électrique lors d'une des expériences qu'ils font, tuera la femme du chercheur principal, qui ne l'acceptera pas et décidera de lui injecter le fameux sérum pour la ramener à la vie. Mais elle aussi, évidemment, ça remet en activité le cerveau, parce que c'est connu scientifiquement, l'être humain ne se sert que de 10% de son cerveau. Ça, c'est dans les meilleurs cas, parce que majoritairement, je dirais peut-être 1 à 2%. ici, on semble pouvoir utiliser la quasi-totalité de la capacité de son cerveau, ce qui donne des comportements qui sont assez bizarres. On est capable de lire dans les pensées, ainsi de suite, mais ça rend les gens bizarre aussi, mais légèrement agressif par moment. C'est pas très bon comme film, il se passe pas grand-chose. Le film se présente très bien dès le départ, par contre, je me suis dit, ça pourrait être un autre film intéressant qui rentrerait dans les annales du type de film de Life After Death, si on veut. Pas du tout. C'est très banal. Je vais donner un 4 sur 10. C'est 1h19 minutes auquel j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Parce qu'en bout de ligne, il s'est pas passé grand-chose. Autre truc que j'ai assez apprécié, je dois dire, j'ai trouvé quand même assez intéressant, c'est un film bolchevique, si je ne m'abuse, qui porte le nom de... je dis bolchevique, c'est plutôt suédois, excusez-moi. C'est plus tard, le film bolchevique. Le secret du Ragnarok. Le Ragnarok, à l'époque des Vikings, c'est supposé être leur apocalypse, ce qu'ils considèrent comme étant la fin du monde. Et c'est l'équipe d'archéologues qui, après avoir mis à jour un drakkar viking, qui considère comme étant une découverte très, très importante, puisque ce drakkar-là comporte sur sa coque des formes de micro coquillages qui ne pouvaient se trouver que beaucoup plus loin que la région immédiate considère que les Vikings sont allés vraiment explorer des endroits qui étaient inattendus pour, selon ce que l'histoire révèle jusqu'à présent, et ils décident de vouloir se rendre à cet endroit pour finalement découvrir qu'il y a une espèce de carte qui pourrait leur indiquer peut-être quels seraient les trésors cachés et enfouis des quêtes Vikings, mais c'est vraiment pas ça, parce que dans les faits, ils ont mal déchiffré, c'est un avertissement, les prévenant de l'avenue du Ragnarok. Je vous en dis pas plus parce que c'est quand même assez intéressant, je dois dire, comme film. Il y a un petit aspect un peu familial dans ça, je dois le dire. Les enfants du fameux archéologue en chef qui est veuf l'accompagnent. Bon, c'est pas trop achalant, là. Je vous le dis, c'est pas un film de Walt Disney, là, quand même. Quoi qu'il y a des films de Walt Disney qui sont fort, fort intéressants, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est intéressant, c'est bien fait. J'ai donné un 7 sur 10. C'est un film de... Ben, je vais vous passer le nom, là. C'est Mikkel Bane Sandesmos, puis avec des noms que je suis pas capable de prononcer. Pas grave, ça. Autre chose que j'ai vu, ben, c'est le film 71, si vous préférez, qui relate l'année 71, qui met en vedette Jack O'Connell, Sam Reed et Paul Anderson. C'est un film de la tendance guerre-action. Qui se passe à Belfast en 71, bien entendu, et qui met bien sûr en scène ce qui sont les protestants, les catholiques, en fait les orangistes, ainsi de suite. Et c'est un commando de Britanniques qui est dépêché sur place pour maintenir la paix, et ça dégénère énormément. Mais y a quelques bonnes scènes intéressantes, mais ça se tire en longueur pas mal. Et puis, c'est un peu tourné de façon, je dirais, bizarre. Donc, je me suis un petit peu ennuyé à écouter ce film-là. J'ai donné un 5 sur 10. Autre truc, ça, c'est probablement celui que j'ai préféré jusque, ben, en fait, de ce que j'ai vu depuis la semaine dernière, qui est un film qui porte le titre de... Bon, je trouve plus. Voilà. La légende de V. C'est un film V s'écrit V-I-Y. C'est un film de connotation horreur fantastique qui met en vedette Jason Fleming. Jason Fleming, c'est un type qu'on a vu dans plusieurs productions de série B, mais série B intéressante comme celle-ci en est une aussi. C'est un film de 2014, mais en fait, selon les sources, ce serait peut-être 2013, mais bon, certains disent 2014. Et ça se passe en 1713 à Londres. Un cartographe anglais du nom de Jonathan Green part en repérage des endroits inexpliqués de la Transylvanie, au-delà des montagnes des Carpates, dont important, c'est un endroit qui m'est tellement familier et que j'aime beaucoup comme, trame de fond pour ce genre de film. Et puis, il découvre un village isolé du reste du monde qui, en fait, les habitants sont terrorisés par des démons, des sorcières, ainsi de suite, des créatures maléfiques, tout autour d'une forme de légende de vie, qui est le démon qui est celui qui terrorise le plus l'endroit. Et lui, ce Jonathan Green-là, qui est un petit peu maladroit, je dois dire, ben malgré lui, il est trompé, il est confronté avec toute dégénérescence de sorcellerie. C'est un bon film. L'imagerie, le graphisme de ce film-là est absolument impeccable. Il est extraordinaire, je dois le dire. C'est tourné dans la méthode, je dirais, d'une certaine façon un peu vieillotte, mais qui donne une atmosphère vraiment bonne. C'est un mélange, à un certain moment donné, entre Evil Dead, parce qu'il y a des parties qui sont très... justement, Evil, avec passablement de sang par moment. Un mélange aussi de Hansel and Gretel, le film qui est un des films qui est inspiré par l'histoire, par le conte, qui est paru, je crois que c'est en 2012, si je ne m'abuse, et aussi de Van Helsing, qui mettait en vedette Hugh Jackman. C'est un bon film dans le genre, faut aimer. C'est un film étranger aussi, parce que celui-ci, il est possiblement bolchevique, mais à que cela ne tienne, ça n'a aucune espèce d'incidence sur la qualité du film, parce que si vous êtes amateur de films d'horreur connotation fantastique, et si vous vous retrouvez dans les Carpates, vous allez probablement bien aimer. Je vais donner un 7,5 sur 10 à ce Légende de vie. J'ai débuté la troisième saison de Bates Motel, Et jusqu'à présent, je dois dire qu'elle est probablement à la hauteur de ses deux prédécesseurs. C'est pas une série... faut pas s'attendre à voir House of Cards, à voir un Walking Dead, à voir un Sons of Anarchy, des trucs comme ça. C'est un petit peu plus underdog, mais c'est fort correct, ça se tient bien. C'est aussi un retour un peu du personnage Norman Bates qu'on avait connu avec Alfred Hitchcock dans Psycho, mais à la fin de son adolescence et au début de ses 18 ans, si on veut, et de ce qui l'aura amené à devenir ce psychopathe, si on veut. Donc, c'est assez bien fait. Après deux ou trois épisodes, là seulement, je peux pas me prononcer vraiment encore. Vous regardez sur le site de réanimation, je vais m'en faire la chronique officielle lorsque j'aurai terminé la saison. Ce que je vous propose de voir ou de découvrir cette semaine, et puis la dernière fois, là, avant un certain bout cet automne, c'est un film de M. Night Shyamalan, un film de 2004 qui porte le titre de The Village, qui est un film fantastique à connotation mystère. Ça met en vedette Sigourney Weaver, William Hurt et Joaquin Phoenix, le frère du défunt River. C'est un très bon film. Et encore là, c'était à l'époque où M. Night Shyamalan pouvait arriver avec des fins qui étaient minimalement surprenantes, qui pouvaient nous désorienter tout au long du film et nous faire dire « Wow, c'était donc cela! » Parce qu'il aura usé assez rapidement, je dois dire, cet effet de surprise. Ben, c'est un peu normal, là. Mais The Village, c'est un très bon film. Je lui accorde toujours une cote de 8 sur 10. Ceci étant dit, je vous propose de faire une incursion dans cet album spectacle de Morbid Angel, l'album qui porte le titre de Juvelia, qui est paru le 18 mai dernier sous copie restreinte, soit 1500 copies en édition vinyle uniquement. J'ai réussi à mettre la main là-dessus, j'étais fort heureux parce que je suis un grand fan de Morbid Angel et que je considérais le tout comme étant une pièce de collection. C'est un album qui, en fait, je peux pas vous dire si c'est le spectacle en entier, j'en doute, là, mais une partie de spectacle qui a été enregistré au Rock City, à Nottingham's Rock City, le 14 novembre 1989, et c'est la formation, je dirais, pouvons-nous dire originale, du moins la plus célèbre, qui met en vedette Treaz Actot, David Vincent. On parle ici de Richard Brunel, qui a fait un passage au sein de Morbid Angel, et de Pete Sandoval. C'est un album auquel j'ai accordé une note quand même, je dirais bien, de 7,5 sur 10, compte tenu qu'il s'agit d'un enregistrement, spectacle, avec les moyens de la fin des années 80, ce qui était quelque peu risqué, je dois dire, quand on n'avait pas vraiment les gros moyens des gros amphithéâtres, mais aussi des grosses productions de spectacles. C'est quand même acceptable, voire correct. C'est un album qui comporte quand même, je dois dire, 11 pièces. On retrouve des Mortal Rites, Suffocation, Visions from the Dark Side, Maze of Torment, Chapel of Ghouls, solo de guitare, comme évidemment Treaz Actot doit le faire, Bleed for the Devil, Damnation, Blasphemy, Lord of All Perverts and Plague et Evil Spells. Je vous propose d'aller écouter les trois premières pièces de cet album, Juvenilia, qui est enregistré en 89, dont tout de suite allons-y avec Immortal Rites, Morbid Angel. I'm gonna

Records, and this is a song from the album. This is about looking at things with a slightly different point of view. It's called The Visions from the Dark Side. Le temps d'une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Du 3 mars au 3 juillet 2015, participez au concours de photos « Vue d'en haut ». Mettez-vous dans la peau d'un photographe et immortalisez une scène en milieu aquatique illustrant la faune, la flore, une activité humaine, la rivière Saint-Maurice, le parc national de la Mauricie ou la saison hivernale. Soumettez vos trois meilleurs clichés par catégorie et courez la chance de gagner de nombreux prix en argent ainsi que des chèques cadeaux, forfaits et bons d'achat valides entre autres chez Parc Canada, Info Nature Mauricie, le parc de l'île Melville, la CEPAC, Domaine Le Montagnard et le Rond-Coin. Pour plus de détails et informations, visitez le bvsm.ca. Vous vous intéressez à la vie étudiante? Vous avez à cœur d'informer la population universitaire trifluvienne? Le journal indépendant des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le Zone Campus, est présentement à la recherche d'étudiants curieux, motivés et rigoureux, désirant faire partie de l'équipe. Le groupe des médias étudiants souhaite recevoir des candidatures pour le poste de rédacteur-rédactrice en chef, ainsi que pour les différents postes de journaliste et de chroniqueur dans les sections Actualité, Arts et spectacles et Sports. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation à dgcfou@commercialuqtr.ca. Les postulants ont jusqu'au vendredi 24 avril 2015 pour acheminer leur candidature. Joignez l'équipe du Zone Campus. Et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM pour encore 33 minutes. On vient d'entendre trois pièces, les trois premières pièces d'ouverture de cet album qui est enregistré le 14 novembre 1989, The Morbid Angel, qui porte le titre de Juvenilia. Je comprends bien pourquoi. En fait, c'était vraiment probablement les premiers spectacles que le groupe donnait. On a cru remarquer, on est persuadé en écoutant le vocal de David Vincent que celui-ci n'avait pas encore trouvé pleinement son vocal. David Vincent qui en avril dernier a fêté ses 50 ans. C'est un album qui n'est pas à la hauteur évidemment d'un album studio, on s'entendra, mais qui pour un album spectacle enregistré à cette époque, il y a quand même un certain nombre d'années là, je trouve que ça se défend assez bien. Et c'est surtout, je dirais, peut-être une pièce de collection pour les amateurs du band dont je suis bien sûr et qui cherche à avoir le maximum de choses qui tournent autour de la formation. Bref, Juvenilia, c'est je peux pas vous dire s'il en reste encore, il y avait seulement 1500 copies qui ont été tirées d'ailleurs le jour du Record Store qui était le 18 avril dernier. Bref, j'espère que ça vous a plu, parce que moi, oui, assez, je dois dire. Côté musical, encore, eh bien, j'ai eu quelques petites feeds de mon ami Sinistros qui me disait, explore ça, ça pourrait peut-être être intéressant pour toi. Et je l'ai écouté, et puis je dois dire que, malheureusement, je n'étais pas totalement d'accord avec lui, mais quand même. Je parle d'une formation américaine qui porte le nom de Gruesome, formation de death metal. L'album porte le titre de Savage Land, c'est sur Relapse Records. C'est correct. C'est un groupe qui me... En fait, ce que j'ai apprécié dans le band, c'est que ça me fait penser à une portion de la carrière de la formation Death Metal, Death, formation américaine, un peu dans le même genre. Le vocal de Matt Harvey ici, qui est un ex-Exhume, me fait penser aussi au vocal de Chuck Schuldiner par moment. Bref, c'était quand même correct, là. C'est rien de très, très original, là, faut le dire. Mais ça s'écoute bien. C'est correct. Je lui donnais 6,5 sur 10. Autre truc que j'ai essayé sous la recommandation de Sinistros, mais je dois dire que en fait, il devait le savoir d'emblée. Je parle de la formation de Tribulation, qui donne initialement dans un... en fait, ils étaient plus black metal à certains moments. Maintenant, ils sont progressive black metal, formation suédoise. L'album s'appelle The Children of the Night. C'est paru sur Century Media. Moi, j'ai pas vraiment aimé. Le vocal est encore trop black pour moi. J'ai trouvé ça très moyen. Mais en fait, même ennuyant, je dois dire. J'ai donné un 3,5 sur 10. Même la présentation graphique laisse assez à désirer, selon moi. Bref, j'ai trouvé ça pas vraiment intéressant. Mais bon, c'est pas une question de préjugé contre le black metal. Ça ne me colle pas. Donc, peut-être que pour ceux qui aiment ce style musical, retrouveront des éléments intéressants dans cet album de Tribulation, The Children of the Night. Par contre, un truc avec lequel je suis assez d'accord avec lui, que j'ai trouvé assez original, qui est une formation de Norvège qui donne dans un métal progressif d'avant-garde, c'est la formation Arcturus, qui n'en est pas à son premier album. Je parle de l'album Arcturian, et sur Prophecy Production. Je connaissais pas vraiment bien cette formation-là initialement, qui donnait dans un black plus atmosphérique, qui maintenant évolue vers ce genre plus progressif. J'ai été surpris de découvrir quelque chose d'assez particulier, plus original comme groupe finalement. C'est peu conventionnel, ça déploie une ambiance recherchée, parfois planante et parfois plus agitée, voire musclée. Donne une impression de grandiose aussi à la fois. C'est une bonne production. C'est une présentation graphique que je trouve vraiment très poche là, par contre. Mais j'ai trouvé que c'était assez bon. Oui, c'était même bien. Le point qui, selon moi, qui est le moins positif du band, c'est qu'à un certain moment donné, je deviens un peu saturé de ce genre, qui, parfois, je dois dire, m'apparaît quelque peu trop mou à mon goût en tant que métal, bien sûr. Mais dans l'ensemble, je dois dire que il s'agit d'un bon album. Je lui accorde un 7,5 sur 10, spécialement pour l'originalité, je dois dire. Production aussi, mais la qualité musicale généralement, l'enveloppe est assez bien. Donc, Arcturus et Arcturian qui est sur Prophecy Production. Bon, écoutez, il nous reste encore un bon petit bloc écouter ensemble. Je dois vous rappeler encore une fois que ce vendredi, dès 11h, c'est Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock, qui est animé par mon bon ami, le Rockmaster Alain Lefebvre, et moi, son co-animateur, votre humble serviteur de Dr. Pain Pendragon. Cette semaine, nous avons, entre autres, bien sûr, nous avons la chronique des groupes obscurs, album classique, une pléiade de style rock, sous la bannière du rock, à vous proposer. J'ai même un volet un peu plus psychédélique par moment. On a aussi, entre autres, des nouveautés telles que le nouveau Raven, si je ne m'abuse. Et moi, je vous présenterai quelques extraits du nouveau Faith No More. C'est à suivre. Bref, soyez des nôtres dès ce vendredi, dès 11h, 11h à 17h, Rock Classique. Je vous incite aussi à rester sur les ondes de C'est Fou, parce que dans environ 27 minutes, eh bien, l'émission métal se poursuivra avec Matière Noire et mon ami Alex, qui, cette fois-ci, sera-t-il accompagné? Je ne le sais jamais d'une semaine à l'autre. C'est à suivre, Matière Noire, 21h. Dernier bloc pour... je dis dernier bloc, ou à peu près, certainement. C'est peut-être une dernière pièce enfin, je sais pas. C'est du death, hein? Ben oui, voilà. Mais c'est un bloc légèrement conceptuel que je vous propose. Un bloc qui donne dans avec des formations qui s'inspirent plus peut-être de l'Antiquité. Bref, je l'ai intitulé Antica. Je vous propose ce bloc de 21, pratiquement 22 minutes qui se composera de Aid, Hour of Penance, Nile et tout de suite Behemoth.

I'm gonna Bloc tout en douceur. On vient d'entendre Hey de formation italienne et la pièce The Endless Runaway. C'est tiré de Spartacus, paru en 2013 sur étiquette, sous étiquette Blast Head. Apparemment, nous avions Hour of Penance. C'est une autre formation italienne et la pièce Transubstantiatio, qui était l'introduction suivie de Enlightened Submission, qui est tirée de l'album Sedition de 2012. Sous étiquette Prosthetic. Nile, formation américaine et la pièce What Can Be Safely Written, c'est tiré du très bon album Metaphalic paru en 2007 sur Nuclear Blast. Et nous avions ouvert avec Behemoth, formation polonaise. Mais je vous ai joué un tour parce que on a entendu l'introduction Rome 64 CE. Normalement, elle doit précéder la pièce Ling, The Prophet of Isa, mais je vous ai joué un tour parce que j'ai joué ça avec At the Left Hand of God. Ceci étant dit, je vous retrouverai avec réanimation en septembre prochain. Vérifiez les dates sur le site officiel de réanimation AD.com, sur le site de Cifou.ca. Et je vous donnerai des nouvelles probablement au fil du temps sur à l'émission Rock Classique aux côtés de mon bon ami le Rockmaster, parce que je continuerai à faire la radio tout l'été avec le Rockmaster, tous les vendredis dès 11h, Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Je vous souhaite un bon été. En fait, normalement, je devrais vous souhaiter quelque chose de malheur, mais là, j'ai le goût de vous souhaiter un bon été. Passez un bon été et surtout, ennuyez-vous beaucoup de réanimation. Et on se retrouvera avec encore plus de métal bien gras en septembre, cet automne. Je vous laisse sur une dernière pièce, un grand classique de Possess, The Exorcist. Et bien sûr, une prescription pour 3 mois à venir, ça ne se fait que cette façon. Allez tous vous faire foutre, foutre, foutre. Puis un pour la route, foutre. See you, Possess.